On ne sait pas très bien comment ils sont arrivés, en bande ou un par un, sûrement en stop, parce qu'aucun n'avait de voiture, juste un grand zèbre avec un vélo de femme, décoré de fanions multicolores avec le sigle Peace accroché au bout d'une badine de coudrier. Ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont installés dans un champ litigieux, plutôt une bande de terrain en friche qu'Arsène le Croque-Mort et Gérard le Parisien se disputaient depuis des années. Savoir si c'était le fait du hasard ou mûrement concerté, c'était une autre affaire. Ils se sont installés en rond autour de la petite source, ont planté les uns des espèces de wigwam, les autres de classiques canadiennes. Une famille avait même une tente, des surplus américains. Parce qu'il y avait aussi des enfants, c'est même un peu pour ça qu'on n'a pas osé leur refuser des provisions quand ils sont venus au bourg, avec leurs cheveux, leurs barbes, leurs oripeaux bigarrés et leurs sourires bizarres. Les femmes étaient plutôt belles, avec des serre-têtes en cuir travaillé, tout en pantalon. On pouvait même pas dire qu'elles étaient effrontées ni rien, juste c'était pas des filles comme tout le monde. My meeting. I'm enchanted by the birds and my blossoms. I'm enamored by young lovers on the weekend. I like the 4th of July when bombs start flashing. And I wish I had a shining red top, a bugle with a big brass that would cheer me up, or maybe something bigger that could really go pop, and I could make the gardening stop. Come out to play. Come out to play. And we'll pretend it's green. atomic. All my scientists are working on a deadline, so my psychologist is working day and night time. They say they know what's best for me, but they don't know what they're doing. And I'm glad I'm not Gorbachev, 'cause I'd wiggle all night like jelly. Such an extent. Thank you. Nous, bien sûr, qu'on est berrichons d'entre Châteauroux et Bourges, on n'a pas la grosse cote auprès des Parisiens, et qu'on serait lourd, méfiant, un peu retardé pour tout dire, plein de croyances obscures. Seulement, on a quand même la télévision et les hippies, on sait ce que c'est, des jeunes qui se droguent et qui prêtent leur femme à tout le monde. Ils ont aussi mis le feu à des voitures en mai 1968 et que cette année-là était sûrement une année du diable parce que rien n'a marché comme il faut. Des bêtes sont mortes et puis beaucoup de lait a tourné, le peu de vin n'a pas été bon et les cultures rachitiques. Último recurso. Les femmes qui étaient à ce moment dans sa boutique ont opiné. On pouvait bien être sûr que la soupe n'aurait pas le temps de refroidir, qu'elles auraient mis les hommes au courant et décidé ceux de leurs époux qui avaient voix à se réunir d'urgence. Ceux qui allaient chiader, c'était Larsen et le Parigot, vu que le terrain était à eux, juste qu'on ne savait pas le bornage. L'embêtant, c'est que le maire, il n'était pas là, parti en Suisse pour un congrès de médecine, parce que notre élu, c'est un grand professeur de chirurgie, qu'il est à Vierzon pour l'hôpital, et qu'on parle de lui dans les journaux parce qu'il a inventé des greffes et des machins d'opérations sensationnelles. Fallait l'attendre, lui, il saurait bien quoi faire. Les hippies, ils étaient 25, 15 gars et 10 filles, plus une tapée de marmots, 7 ou 8. Faut dire qu'ils ont été corrects, qu'ils ont tout payé chez les commerçants en bon argent, qu'ils ont dit bonjour et au revoir, pas un mot de plus, et qu'ils sont retournés à leur campement, maquillés, on ne sait quoi, on pouvait pas voir. Juste, on entendait qu'il y en avait qui chantaient avec des guitares, mais ils faisaient pas trop de bruit et ils ont dérangé personne. Let's go. kids I showed in the night alone. And I walk, and it walks, I toots, and it toots, and I shimmy, and it shimmy, and I fly, and it fly. We're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and it walks, I toots, and it toots, and I shiver, and it shiver, and I fly, and it fly. We're out there having fun in the warm California sun. Girls off the skin, off the scope. I feel a little cheek wherever you go. Oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and then shimmy, and I fly, and then fly. We're out there having fun in the warm California sun. We're out there having fun in the warm California sun. Au soir, ils ont allumé des feux et ils ont mangé dehors, comme des bergers. Les mômes piaillaient un peu. Nous, on était au café de la mairie, on les voyait bien à travers la vitre et je peux dire que chez nous, ça discutait ferme. Le Justin, le charcutier, il a lampé sa gnôle d'un trait comme il fait d'habitude. Il est tellement gros et rouge qu'on sait bien qu'il en a à remplir. Je parle contre moi, il a dit, parce que ça peut faire des clients, c'est jeune, ça boulotte comme quatre, seulement ça fera des histoires. Pour sûr qu'a approuvé Larsen, en plus ils sont chez moi, et si qu'ils font des fumeries de drogue, les gendarmes, ils seront pour moi des histoires à aller en prison. That is heard from Munich too, where there was once so much to do. It was once a green mansion, and now it's a wasteland. Our days of reckless fun are through. We'll be right back. Thank you. Il est tout sec, lui par contre, vieux, qu'on se dit qu'un jour, en creusant une tombe, il tombera dedans tout mort, qu'on n'aura plus qu'à reboucher. Pauvre comme Job, sa seule richesse, c'est le terrain qui n'en fait d'ailleurs rien, et puis aussi sa moustache, des comme ça on n'en voit plus au jour d'aujourd'hui. Grandes et grises, il les frise au fer et il mordit toujours le bout. We'll be right back. it's lost. There's a perfect cost. There's a debt you can't share. Lost out at the corner of our little show. Your last bus left an hour ago. So stumble down the stairs again. Pretend you're not too proud to understand. It's still no way. Your voice cuts through the crowd. Only people talk too loud. A permanent stain. City soaks in silent salt and dirty snow. Blue glow from the TV again. Curtains never open. Faces never show. And every night they play the same song to the same offbeat believers. And everyone is singing along. Wearing blue black eyes. Wearing dead man's neckties. Clock stop at the corner of our real show. On a washroom stall, there's always more than one last call, calling you. Oh, you got blue eyes, oh, you got green eyes, oh, you got gray eyes. Oh, you got blue eyes, oh, you got green eyes, oh, you got gray eyes. Oh, you got blue eyes, oh, you got green eyes, oh, you got gray eyes. Oh, you got blue eyes, oh, you got green eyes, oh, you got gray eyes. T'as qu'à aller leur dire de s'en aller, a dit Maupasse le bistrot, qui fait aussi le charbon et sa femme l'épicerie, juste à côté. C'est vrai ça, qu'a dit le Justin en allumant sa maïs, puisque t'es chez toi, c'est à toi de leur causer. Et que je vais leur dire, moi, c'est Galopio, qui a point place pour eux ici, et puis qu'ils occupent indûment un terrain et sans autorisation encore. Bon, qu'a dit Larsen, soudain échauffé par l'alcool et les paroles de tout le monde qu'il soutenait. C'est pas des gamins qui vont me faire peur, j'y vais. Il a ajusté son béret, bien le plié entre les deux yeux, s'est mouché du coin de la manche et il est sorti dans la nuit qui tombait déjà. Tous, on a été sur le seuil du bistrot à le regarder marcher dans le noir, pas trop assuré sur ses affutiaux, et ses bacchantes dépassaient, vues de derrière, avec la lumière que donnaient les feux des hippies. « Tournée générale de la direction » a lancé Maupasse dans le silence, tant ça paraissait important tout ça. C'est ce qui a tout déclenché, Justin a dit en s'envoyant le godet. « On va pas le laisser aller tout seul là-bas, Larsen, on n'est point les courgettes, et puis ça nous regarde tous. Et puis des fois qu'il lui arriverait des mauvais coups à Larsen, sait-on jamais avec ces bougres-là ?» Bye. and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and a shot of whiskey, and the bartender says, "Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss? Why the big boss?" Get it? On est sorti en se poussant un peu pour s'encourager. On riait un peu trop fort, dès qu'il disait qu'il vaudrait peut-être mieux prendre les fusils. Seulement, Gergassou, le garde champêtre, un gnoc qui venait de Sologne, il a dit comme ça. « C'est pas le western ici, il faut pas se mettre dans son tort. » Il a raison, a dit Maupas le bistroquet, puis on a Gergassou pour la légalité, des fois qu'il regimberait. On est arrivé pas longtemps après Arsène, qui était là tout ballant, à pas savoir que dire, ni à qui. Tout le monde, il s'est tu, on n'entendait que le craquement du bois sec et puis la source qui chantouillait. Les hippies, ils nous regardaient plutôt gentiment, faut dire. Les filles souriaient dans le vague, les mômes, ils devaient déjà être couchés parce qu'on n'en voyait pas. Faudrait voir à voir qu'il a commencé l'arsène quand il nous a sentis dans son dos. Faudrait voir à voir. Et puis il a plus su que bâiller, vu qu'une fille sortait d'une tente, complètement annudée, avec des flammes qui coloraient son ventre. « Rentre, Marie », a dit un des hippies, le grand qu'on avait vu à vélo. Aussi sec, elle s'est engouffrée dans sa tente, pas plus gênée que ça de nous avoir fait voir son cul. Every day on our fellow men we pray. sit down and listen and they'll tell you when you're wrong. Eradicate but vindicate as progress creeps along. Puritan work ethic maintains its subconscious edge as old glory maintains your consciousness. A puppet on a stool, and a crowded way of life, and a black reflecting fool. And as a people then, the moral fabric dies. Then country can't pretend to ignore its people's cries. Cause you are the government. You are jurisprudence. You are the volition. You are jurisdiction. And I make a difference. Vous désirez quelque chose, il a dit, le même qui avait déjà causé. C'est-à-dire qui a fait l'arsène. Il veut dire, a coupé brutalement Justin, qu'on avait un sacré coup dans l'aile. Il veut vous dire que ce terrain-ci, il est à lui, et puis que faut que vous partiez, même le garde champêtre, il est avec nous. Avance, Girgassou, il a commandé. Girgassou, il ne faut pas lui parler comme ça, c'est un sous-l'oignot, ils ont la tête près du bonnet, surtout celui, brave garçon, mais qui avait ses humeurs. À preuve qu'il braconnait tant que les autres, mais que si on en parlait, il se montait du bourrichon et tardait pas à vous coincer pour un chien vagabond ou pour le tracteur mal éclairé. D'abord, il a dit sèchement Girgassou, je reçois des ordres que monsieur le maire. Ensuite, il y a deux proprios à ce terrain. J'ai point l'avis de l'autre, alors moi, je suis là comme particulier. Les hippies, ils ne regardaient qu'une sorte de curiosité, c'était le monde à l'envers, quoi. N'empêche qu'à certains, ça leur faisait une drôle d'impression de causer à ces gens-là qui ressemblaient à notre Seigneur, les cheveux et la barbe. Tout le monde se taisait maintenant, on devait avoir l'air un rien ballot. Le grand, le seul qui causait, a allumé une cigarette toute plate, il a tiré deux ou trois bouffées, puis il l'a passée à son voisin. Dansez-moi. C'est de la drogue qu'il a murmuré Justin. C'est-il ou c'est-il pas un délit ? C'est pas dans mon rôle, a dit Girgassou Bougon. Non, on a fait le grand qui devait avoir l'oreille drôlement fine, c'en est pas. On n'est pas comme ça, nous. On est venu ici pour travailler, c'est à cause de la source qu'on s'est arrêté. Et à que vous travaillez, a demandé Mopa d'un air malin ? Je croyais que les hippies, ils en foutaient pas une ramée. Des charges de pain, oui, a dit Justin méchamment. Des charges de pain, c'est en kilogrammes. Qu'est-ce que c'est ? Des mendiants, a dit Mopa. Ils se sont tous mis à rire, presque silencieusement, en hochant la tête. On n'est pas des mendiants, a dit doucement une fille. On fabrique des bijoux, des vêtements, des chaussures. On l'a tous regardée. Elle était toute mince, petite, fragile, mais on sentait qu'il fallait pacifier. Tenez, elle a dit, en sortant quelque chose d'un sac en toile. Voilà une tunique que j'ai faite. Elle l'a tendu à Arsène qui s'en est emparé machinalement. Puis, comme si ça le brûlait, il l'a passé à Maupas. On s'est tous rapprochés. C'était tout doux, de la soie, avec des dessins comme ceux qu'on voyait sur les almanachs du temps de nos grands-pères, ceux que vendaient les colporteurs de village en village, des sortes de magie, quoi, pour la fécondité des femmes et des bêtes, pour que la terre soit belle et les enfants sages. Oh, c'est beau, a dit Guirgassou. Peut-être uniquement pour emmerder Justin, mais peut-être aussi qu'il le pensait. C'est un drôle de corps, le Guirgassou. On dit même qu'il a fait des études au collège, autrefois, à Romorantin. Nous, on n'a rien dit, juste on tâtait l'étoffe, sauf Justin qui s'était reculé, bras croisés sur sa poitrine, et qui devenait de plus en plus rouge. Asseyez-vous, a dit le grand, vous allez bien boire quelque chose avec nous. Tout le monde hésitait, et puis Guirgassou a replié ses longues pattes de coureur des bois et s'est assis par terre, à la droite du grand, qui devait être le chef, vu qu'il causait tout le temps. Alors nous, on l'a imité. D'abord parce qu'un coup, ça ne se refuse pas, et puis on était curieux de la suite. On était bien 10, les hippies se sont serrés pour nous faire de la place, il n'y a que le Justin qui restait debout, l'air furibard. Vous ne vous joignez pas à nous, monsieur, a demandé le grand. Sans lui répondre, Justin, le charcutier, a tourné les talons en haussant les épaules et puis il est reparti vers le bourg à grandes enjambées. La fille a sorti du sac de toile une bouteille plate, on voyait pas très bien ce qu'il y avait dedans à cause du reflet des flammes. Elle l'a donné au grand. « Je m'appelle Pierre », il a dit en tendant la bouteille à l'arsène, ce qui était bien honnête puisqu'il était le plus vieux et le proprio du terrain. Give it down, sit down, get down in the sun, rockin' to the world. La liaison si longue et si inviolable qu'eut Madame de Lafayette avec Monsieur de La Rochefoucauld fait ressembler sa vie elle-même à un roman. Un roman sage, roman toutefois. Plus hors de règle que la vie de Madame de Sévigné, qui n'aime que sa fille. Moins calculée et concertée que celle de Madame de Maintenon, qui ne vise qu'au sacrement avec le roi. On aime à y voir un cœur tendre, s'alliant avec une raison amère et désabusée qui l'adoucit, une passion tardive mais fidèle entre deux âmes sérieuses, où la plus sensible corrige la misanthropie de l'autre. De la délicatesse, du sentiment, de la consolation réciproque, de la douceur, plutôt que de l'illusion et de la flamme. Madame de Clèves, en un mot, maladive et légèrement attristée, à côté de Monsieur de Nemours vieilli et auteur des Maximes, telle est la vie de Madame de Lafayette et le rapport exact de sa personne à son roman. Puffing away